La rue basse du château est encombrée de murs. Plus possible de nager, la surface est bien trop loin. Il faut atteindre cette passerelle pour être sûr de ne pas couler dans un abîme sans fin. Heureusement, un sourire me tend ses lèvres. Il me chuchote de le rejoindre sans traîner. Alors, pris d'une étrange et soudaine fièvre, mon cœur combat au mieux la gravité. Elle se joue de moi, mais je m'en fous. Je crois encore un peu en elle. J'aperçois une lumière au bout. Là, vous voyez au bout du tunnel. Je ne sais plus où s'arrête et si c'est un jeu. J'ai trop bu une fois de trop, une fois de plus. Pour un soir, elle allume en moi un grand feu. Et moi, comme un idiot, je la crois, je l'ai cru. Le lendemain, bien sûr, tout est fini. La belle se lève, fait comme si de rien. Attacher ses cheveux sans un bruit et sur la pointe des pieds s'enfuit. Homme ou femme d'une chanson, amant d'un soir ou d'une nuit éternelle. Aimez-vous jusqu'au bout, même sans raison. Et n'oubliez jamais que la vie est belle. Homme ou femme d'une chanson, amant d'un soir d'une nuit éternelle. Aimez-vous jusqu'au bout même sans raison. Et n'oubliez jamais, jamais que la vie est belle.